Nous sommes samedi le 14 octobre 2017. Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition dont voici d'abord la charpente. Terence Nairaj, l'assistant du ministre de l'Intérieur, accuse le Rwanda de distribuer des armes dans les cas de réfugiés burundais en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies. On en revient longuement tout au début de cette édition. Et le parti Prona souhaite que le gouvernement puisse améliorer ses relations diplomatiques avec la Belgique et l'Union européenne ainsi que les pays africains. Vous entendrez Abel Gachati, le président du parti de Gwagasode. À la une également, la pénurie d'essence est de nouveau signalée dans la ville de Lumonge au sud du pays, à Muyinga au nord du pays. À la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse qui vous sera présentée par Jean-Bosco Nduimana et Francine Ndihokugai. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite les détails. La mise en onde est assurée par François Akimana à la présentation Evrard Haviariman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Rebonsoir et bienvenue encore une fois à cette dernière édition. Je vous le disais tout au début de cette édition, l'assistant du ministre de l'Intérieur accuse le Rwanda de distribuer des armes dans les cas de réfugiés burundais en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies. Terence Nairaja a également attribué à la Belgique l'assassinat du prince Louis Gwagasole et du président Melchior Ndadaye. Cela a été dit ce samedi après les manifestations organisées par la mairie de Bujumbura. Plutôt Terence Nairaj. Il y a une réunion qui a été préparée en date du 20 octobre ce mois. Or, le mois d'octobre, pour l'histoire du Burundi, c'est un mois vraiment malheureux pour nous. Il nous rappelle des événements malheureux qui ont endeuillé au Burundi. Vous imaginez, le 13 octobre, c'est le rappel de l'assassinat de martyrs de l'indépendance, le prince Louis Gwagasole. La date du 21 du même mois, octobre, c'est son excellence Melchior Ndadaye, le martyr de la démocratie au Burundi. Au moment où nous sommes en deuil, pourquoi la Belgique continue à vouloir choquer les Burundais en organisant des réunions pour préparer le mensonge contre le Burundi? C'est dommage. L'ONU étant d'observer ce dérangement que la Belgique est en train de faire au Burundi, nous demandons à l'ONU d'empêcher la Belgique de ne plus continuer ces histoires de mensonges, de diabolisation contre le Burundi. Ce qui est malheureux, l'ONU est en train de collaborer avec le Rwanda ici à côté et les putschistes. Ils sont en train de distribuer les armes dans le cas des réfugiés burundais. Du moment où je vous parle, il y a 3 jours, que dans le cas de réfugiés de Nduta, la police tanzanienne, nous vous disons la félicité, a déjà saisi 42 fusils. Qu'est-ce qui se passe dans le cas des réfugiés? C'est dommage. Et souvenez-vous également qu'un mois avant, dans le même cas, on avait attrapé 9 malfaiteurs qui étaient en train de faire l'anti-propagande contre le rapatriement des Burundais qui l'ont. Ça, c'est dommage. Terence Nairaja, c'est l'assistant du ministre de l'Intérieur. Et le parti Prona souhaite que le gouvernement puisse améliorer ses relations diplomatiques avec la Belgique et l'Union européenne ainsi que les pays voisins. À leur tour, ces pays ne doivent pas s'ingérer dans les affaires internes du Burundi, comme l'indique Abel Gachati. Suivez-les, il s'est exprimé au cours d'une conférence de presse à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gwagasole. On l'écoute. L'IPRONA s'est déjà prononcé là-dessus en demandant d'abord au gouvernement de tout faire pour développer la diplomatie, développer les bonnes relations avec les autres pays, que ce soit les pays voisins, que ce soit la Belgique ou l'Union européenne. Mais l'IPRONA recommande à ces pays de comprendre et de reconnaître la souveraineté de notre pays, le Burundi, surtout de s'interdire à s'immiscer dans les affaires internes du Burundi. Donc, il devrait y avoir un respect mutuel et surtout chercher comment améliorer les relations diplomatiques entre le Burundi et les autres États. À propos de la prochaine séance de dialogue, Abel Gachati souhaite que le facilitateur, le gouvernement ainsi que les politiciens puissent se mettre sur les mêmes ondes afin de clôturer le dialogue avant la fin de cette année. Encore une fois, Abel Gachati. L'IPRONA a toujours dit que l'IPRONA prône toujours le dialogue. C'est un parti de dialogue. Surtout, la culture burundaise nous a montré qu'au Burundi, si conflit il y a, on doit recourir au dialogue. C'est pourquoi l'IPRONA a déjà donné sa contribution et il est prêt même à continuer à contribuer pour que ce dialogue puisse prendre fin. Et nous souhaitons que le dialogue se clôture avant la fin de cette année, après avoir donné une feuille de route qui va nous montrer comment embrasser les préparatifs des élections de 2020. Abir Gachatsi, c'est le président du parti de Gwagasore sans transition. Le député Fabien Banchiganino, élu dans la circonscription de Wubanza, s'indigne des agissements du chef de secteur Guy Fungwe et de certains jeunes Imbonerakure qui l'auraient malmené et empêché d'animer une conférence sur le héros de l'indépendance du Burundi. Il regrette que les policiers qui étaient dépêchés pour sécuriser la conférence aient observé impuissamment à la déstabilisation de cette activité. Ce Sénat, un peu plus tard qu'ils ont après l'accord de l'administrateur de mandat d'animer cette conférence dans un autre endroit. On l'écoute, il est au téléphone avec Joseph Saviabandi. J'ai été aussi perturbé. Un groupe de jeunes Imbonerakure conduit par un chef de secteur Guy Fungwe. Vous avez évoqué qu'il était accompagné par les Imbonerakure. Est-ce que vous avez les preuves? Je suis de là, je les connais très bien. Ils sont parmi les enfants que j'ai encadrés plusieurs il y a longtemps. Si vous voulez, mais M. Imbonerakure était de Chouba, sous Corine, du secteur Moussaigne et d'autres du centre de Guy Fungwe. Est-ce que vous avez pu continuer vos activités et comment? Malgré cela, j'ai continué mes activités. J'ai vu que la police qui était déployée chez moi s'est quand même saisie et on pu faire sortir M. Imbonerakure malgré la perturbation de ma fête. Et puis par après, la fête a continué. Et puis, comme j'avais invité l'administrateur communal dans ma conférence, je lui ai demandé pourquoi il m'empêche alors qu'il m'a donné la permission et qu'il était mon invité. Je lui disais que s'il s'est empêché, qu'il m'envoie des gens où il le présentait. Et il m'a envoyé alors M. Imbonerakure. Après, ceux qui sont venus me perturber sont finalement plus tard rentrés chez moi. Et on a partagé un verre. Est-ce que vous avez des doléances pour que vos activités politiques puissent continuer en paix? Et je ne demande que la loi soit respectée. Le député Fabien Banchigani Noéli dans la circonscription de Bubanza répondait aux questions de mon confrère Joseph Nsaviyaband. Et l'administrateur de la commune Mpanda, Tchongera Frédéric, fait savoir que l'activité préparée par le député Banchigani Fabien a bel et bien eu lieu. Il précise que c'était des administratifs à la base qui allaient se rassurer qu'il avait l'autorisation de tenir la réunion. On va marquer une courte pause avant de parler la pénurie d'essence. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Une pénurie d'essence est de nouveau signalée dans la ville de Rumonge et ses environs depuis ce jeudi. Les passagers se lamentent que le coût du ticket n'est pas plus stable au moment où le transporteur explique que tout dépend du prix du litre d'essence sur le marché noir. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Missa. Sur les 8 stations-service que compte la ville de Rumonge et ses environs, la récente distribution de l'essence a eu lieu ce jeudi sur une nouvelle station de Karonda et là aussi dans un laps de temps. Le marché noir où le litre d'essence frôlait de 5000 francs burundais a été de nouveau fréquenté et vers 19h30 de ce vendredi, le marché avait été lui aussi vidé. Selon certains chauffeurs interrogés, cette pénurie d'essence devenue monnaie courante met en difficulté le consommateur qui fait toujours face à une fluctuation du prix du ticket de transport. Certains transporteurs ont même décidé la hausse du prix du ticket de transport jusqu'à 1000 francs burundais par personne et cela reste inchangé que l'essence soit distribuée ou pas. Et cela reste inchangé, que l'essence soit distribuée ou pas, ce qui entraîne la hausse du prix au kilo des produits de première nécessité, comme le riz et le haricot. Les consommateurs, de même que les transporteurs interrogés, voudraient que le gouvernement burundais vide définitivement ce problème. Certains chauffeurs ont décidé de garer depuis bientôt 3 jours leur véhicule à la station où ils auraient eu écho d'une prochaine distribution d'essence. Jean-Pierre Misago de Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. De Rumonge, nous nous rendons au nord du pays à Muyinga. L'essence est introuvable aux stations-service et pourtant disponible au marché noir à Muyinga depuis une semaine. Les habitants de Muyinga, par où transitent les camions importants du carburant, regrettent que la pénurie de l'essence se normalise alors que le prix des 10 camions est contenu. N'est-ce pas, Dieudonné Nzeyman? Depuis le début de la semaine, pas de station-service qui offre de l'essence d'après des propriétaires de voitures et motos à Muyinga, au marché noir, L'essence est pourtant disponible et lit très souvent entre 3500 et 4000 flambeaux et les propriétaires des voitures ou motos et les passagers grognent. La dernière fois que l'essence a été disponible, une part du carburant a été donnée aux spéculateurs qui s'approvisionnent en bidon et revendent la marchandise aux prix élevés constant de certains propriétaires de véhicules qui indiquent que la dernière fois, le gouverneur en personne est intervenu pour arrêter ce désordre. Les passagers se lamentent du fait que les prix de déplacement, notamment par moto, ont été revus à la hausse en désordre. Des questions sans réponse restent aux habitants de Muyinga. Par où transite l'essentiel des marchandises importées? Des camions-citernes avec du carburant sillonnent encore. Sont-ils chargés uniquement du mazout? Sont-ils de passage vers d'autres pays, d'autant plus que la pénurie est devenue une habitude localement? Dieudonné Nzeimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Dernier élément de ce journal. Une famille rapatriée en 2016 à Nyamabera en commune Manda se lamente qu'elle n'a pas encore recouvré sa propriété alors que l'affaire est déjà tranchée. Au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens, on demande à cette famille de patienter car le procès est en appel. Spes Caritas Kavanyana. Cette famille est composée de 17 personnes habitant dans des maisonnettes en basse, comme le dit Anyamabere en commune Manda, déplore le fait qu'elle n'a pas encore bénéficié de sa parcelle prise à la 11e transversale de Anyamabere dans la même commune de Manda, dans cette province de Bubanza. Il y a à peu près 2 ans qu'elle est rapatriée à partir du camp de Nyarugusu en Tanzanie. Ndayihimbaze Françoise, membre de cette famille, indique qu'ils vivent dans de très mauvaises conditions et demande aux autorités de les aider à recouvrer leurs biens. Elle précise également que le procès a été clôturé à la Commission nationale des terres et autres biens à Bubanza et que cette famille devrait avoir sa propriété sans aucune autre condition, comme elle le dit. Au niveau de la Commission nationale des terres et autres biens à Bubanza, on demande à cette famille de patienter et d'attendre la fin du procès, puisque la partie adverse a interjeté appel. Merci Kavanyana et c'est sur votre reportage que nous bouclons la boucle de cette édition. Merci de votre aimable attention. Merci aussi à François Kimana pour sa complicité technique. Au micro, vous étiez avec Evrard Haviarimana et ne tournez pas le bouton. Dans quelques instants, vous aurez droit au journal des journaux, dit-on. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous situez. Le journal Iwachu a consacré sa plus grande partie du numéro de la semaine au dossier salubrité en mairie de Bujumbura. Dans son éditorial, le journal écrit que des déchets ménagers ne sont plus évacués depuis une certaine période. Des habitants de la mairie qui se plaignent d'une société qui a eu le monopole dans la collecte des ordures sans en être à la hauteur. Le journal poursuit en disant que des administratifs communaux renvoient la balle au maire de la ville. La gestion des immondices en mairie de Bujumbura étant pour le moment en casse-tête. Iwachu nous fait un zoom sur la genèse de cette gestion des immondices. Les services techniques municipaux créés en 1983 par décret du 12 juillet avaient plusieurs missions, y compris celle d'enlèvement des immondices. Depuis sa création, c'est la mairie de Bujumbura qui donnait les fonds de fonctionnement au CTMU jusqu'en 1989 en vertu du décret qui précisait que les services seront rémunérés en fonction des prestations fournies. Avec l'extension de la capitale, les CTMU se retrouvent dans l'incapacité de remplir cette mission dans tous les quartiers de la capitale. Et en 2013, des sociétés et associations de collecte de déchets sont invitées à poser leur candidature. 18 sont autorisées à travailler jusqu'en juin 2017. Le maire de la ville, Freddy Mbonima, suspend leurs activités, avançant que les 18 associations ne faisaient plus correctement leur travail et octroie le marché à une nouvelle société, BCCCO. D'après lui, la mairie allait récupérer 40 millions de francs burundais par mois, alloués jusque-là à la propriété de la ville. Mais cette société n'arrive pas, selon toujours Iwachu, à enlever les immondices dans certains quartiers. Mais paradoxalement, le directeur général de CTMU déclare que son entreprise a bel et bien la capacité technique nécessaire pour accomplir ce travail. Et le journal doit s'interroger finalement, qui croire entre la mairie et les CTMU et à qui profite ce désordre dans le domaine de la salubrité. Les enseignants de l'école d'excellence dans un dortoir, titre le journal La Voix de l'enseignant. Les 15 enseignants de l'école d'excellence du lycée Ngagara logent dans les dortoirs anciennement occupés par les élèves de ce lycée qui ont été contraints de céder la place aux élèves retenus pour faire leur scolarité dans une école d'excellence. Ils ont débarqué au lycée d'Ongagara dans un minibus de Kayogoro Express avec leur bagage constitué essentiellement par des valises et sacoches, suivant la consistance des biens amenés. Le directeur du lycée Ngagara leur a donné un local où ils ont mis leur bagage. Ils se restaurent dans le petit restaurant de Kamenge situé à la gare du Nord. Vu les conditions dans lesquelles travaillent ces enseignants, les uns voudraient abandonner, mais ils sont sous menace d'être pris comme des déserteurs. C'est pour cette raison qu'ils n'en peuvent plus. Ils n'ont personne pour traiter la question. Ils n'ont pas encore signé leur contrat. Revue de la presse. Un procureur général de la République fuit son pays. Écrit le journal en ligne Net Press. Il s'appelle Léandre Balanchamadje, mais connu sous le sobriquet de CFU. Il était procureur général près la cour d'appel de Bujumbura. Selon des sources généralement bien informées, il avait toujours résisté aux injonctions de ses supérieurs hiérarchiques visant des tracasseries judiciaires multiformes pour des personnes mal vues par les autorités politiques de ce pays. Ayant évolué à la cour anticorruption, il avait, selon toujours l'agence, refusé un remerciement monnayé, ce qui lui avait valu un courroux de la part des mêmes autorités. Cela qui lui avait valu une mutation pure et simple dans la province de Bururi. Au bout de quelques années, il était revenu sur Bujumbura où son comportement n'a bougé d'un iota. Agacé par des pressions de tout le temps, il a préféré abandonner son poste et a pris son avion en date du 7 octobre 2017 afin de s'installer à l'étranger, loin du stress de travail qui est contre sa conscience. Il serait parti avec son épouse et ses enfants. Le journal Burundi Echo écrit sur un faible taux de représentativité des femmes dans les médias. Sur un taux moyen de 17% de représentativité des femmes dans les postes de prise de décision au niveau national, le secteur des médias n'enregistre que 6%, a déclaré Agnès Nindorera, présidente de l'Association des femmes journalistes. Selon elle, cela s'observe tant au niveau du rapport homme-femme dans les médias qu'au niveau du contenu des messages qu'ils véhiculent dans leurs différentes formes de production. Madame Nindorera indique qu'il s'agit d'un travail de longue haleine parce que le constat est que la plupart des responsables et des médias sont vraiment très peu sensibles à ce problème. La hausse du budget du ministère en charge de la justice faciliterait l'accès de tous à la justice, écrit l'agence burundaise de presse ABP. Il est nécessaire d'accroître le budget alloué au ministère de la Justice pour permettre à toute personne d'accéder facilement à la justice, quelle que soit sa condition sociale, ont reconnu différents intervenants dans le domaine de la justice au cours d'un café de presse organisé par l'Observatoire de l'action gouvernementale en collaboration avec l'Association des juristes catholiques du Burundi. Selon le consultant professeur Michel Massabo cité par l'ABP, les procès entraînent des frais parfois importants et les justiciables moins fortunés risquent d'être dissuadés de défendre leurs droits devant les tribunaux. Et ainsi s'achève cette revue hebdomadaire de la presse. Elle vous a été présentée par Francine Ndeokugayo et Jean Bosco Ndouimana. Très bonne semaine à tous. À la prochaine. Revue de la presse.